Tu fais le mec quand je te parle, tu fais le sourd, t'étonnes pas pour moi, t'es chelou. Tu vas à gauche, vas à droite, tu m'esquives, c'est pour ça que t'es devenu chelou. Maintenant t'es devenu bizarre, ah ah, t'étonnes pas pour moi, t'es chelou. Entre nous c'est devenu bizarre, ah ah, entre nous c'est devenu chelou. T'as pas fait le nécessaire, donc il faut que je te répète. Tu me fais passer pour une folle, mais j'ai encore toute ma tête. J'aurais pas dû laisser tout ce temps, maintenant ça continue. Ta distance, comprends pas la situation ambiguë. Pourquoi on zigzague, on était censé aller tout droit. Tu veux me briser le cœur, ça me foudroie. Ça me foudroie. Faut que tu m'expliques, qu'est-ce que j'ai compris à l'envers. Et si je te dis que ça me pique, je peux plus encaisser la douleur. Tu fais le mec quand je te parle, tu fais le sourd, t'étonnes pas pour moi, t'es chelou. Tu vas à gauche, vas à droite, tu m'esquives, c'est pour ça que t'es devenu chelou. Maintenant t'es devenu bizarre, ah ah, t'étonnes pas pour moi, t'es chelou. Entre nous c'est devenu bizarre, ah ah, entre nous t'es devenu chelou. Y'a rien à dire, tout est clair, puis le départ, j'comprends pas, tu me vois en chelou. Y'a pas d'esquive, j'entends tout quand tu me parles, y'a que toi qui me vois en chelou. C'est toi qui es devenu bizarre, ah, c'est pour ça que tu me vois en chelou. Nous des idées écrites nulle part, ah, comment tu veux que je sois chelou. Comment tu peux me parler d'une trêve? Ne confonds pas la réalité avec tes rêves. À quel moment j'ai parlé de nous en couple officiel? Tu me prends la tête avec ton histoire tombée du ciel. Ah, on était plus qu'amis, ok ça je te l'accorde. Mais je ne t'ai rien promis, pourquoi me jeter la corde? Pour que ça se termine, il faut commencer d'abord. C'est toujours la même chose, tu parles mais y'a aucun rapport. Donc la petite dose, être avec toi c'est trop de sport. T'as tort et puis tu oses me dire que tu n'es pas d'accord. Je te parle pas d'une pause. Je te parle de prendre la porte, la discussion est close. C'est terminé. Tu fais le mec quand je te parle, tu fais le sourd, t'étonnes pas pour moi, t'es chelou. Pour toi y'a tout qui est chelou. Tu vas à gauche, vas à droite, tu m'esquives, c'est pour ça que t'es devenu chelou. Maintenant t'es devenu bizarre, ah ah, t'étonnes pas pour moi, t'es chelou. Entre nous t'es devenu bizarre, ah ah, entre nous t'es devenu chelou. Y'a rien à dire, tout est clair, puis le départ, j'comprends pas, tu me vois en chelou. Tout le monde arrive à me voir en chelou. Y'a pas d'esquive, j'entends tout quand tu me parles, y'a que toi qui me vois en chelou. C'est toi qui es devenu bizarre, ah, c'est pour ça que tu me vois en chelou. Nous deux étaient écrits nulle part, ah, comment tu veux que je sois chelou. Pourquoi tu forces une chose qui n'est pas naturelle? Toi et moi c'est comme la 4G sous un tunnel. Je le savais depuis le début, mais t'étais bien trop têtu pour avouer qu'un jour tu me dirais je t'aime. Tu dis que c'est moi qui force, mais t'es plus naturel. Toi et moi c'est comme la 4G sous un tunnel. Je le savais depuis le début, mais t'étais bien trop têtu pour avouer qu'un jour tu me dirais je t'aime. Je savais.